بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 83 83 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait le takbir de la salat lorsqu'il débutait la salat et qu'il se mettait debout. Ensuite, il faisait le takbir au moment où il s'inclinait. Ensuite, il disait « Samiallahu liman hamida » lorsqu'il relevait sa tête, justement, de l'inclinaison. Ensuite, il dit par la suite « Rabbana wa lakal hamd » une fois qu'il est debout. Ensuite, il fait le takbir au moment où il se baisse pour se prosterner. Ensuite, il fait le takbir au moment où il se lève de sa prosternation, au moment où il lève sa tête, au moment où il s'assoit, quoi. Ensuite, il fait le takbir au moment où il se reprosterne. Ensuite, il fait le takbir au moment où il lève sa tête de sa prosternation. Et ensuite, il fait cela dans toute sa salat, jusqu'à ce qu'il la finisse. Et également, il fait le takbir au moment où il se lève de la deuxième rakat lorsqu'il se relève. Lorsqu'il a fini sa deuxième prosternation, il fait le takbir quand il se relève. Après chaque prosternation qu'il a fait, à la base, il fait le takbir. Qu'il s'assoit ou qu'il se lève. Naam. Yaqul Fadilat al-Shaykh ibn Uthaymeen. Arawi wa Abu Huraira. Donc le rapporteur, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Yaqul Moudou al-Hadith bayyan hukm takbir wa mawadi'ihi fi salah. Obel mawadi'u fi salah. Naam, mawadi'i fi salah, naam. Donc là, ce hadith, le thème du hadith, c'est de montrer quel est le jugement du takbir et à quel moment doit-on le faire. À quel moment doit-on faire le takbir dans la salat. Il y a qu'au fil shah al-ijmali, as-salatu kulluha ta'zimun lillah ta'ala بالقول وبالفعل. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله تعالى عند افتتاح الصلاة وفي كل خفض ورفع ما عدا رفع من الركوع فيقول عنده سمع الله لمن حمده بدلا عن التكبير لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل. Donc la salat entièrement est là pour glorifier Allah عز وجل. Une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala par les paroles et par les actes. Et dans ce hadith, Abu Huraira radhiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir lorsqu'il ouvrait la salat, lorsqu'il a débuté, et à chaque fois qu'il se baissait, c'est-à-dire pour l'inclinaison, pour la prosternation, et à chaque fois qu'il levait sa tête, c'est-à-dire de l'inclinaison ou plutôt de à chaque fois qu'il relevait la tête de la prosternation, car il a fait exception lorsqu'il relève la tête de l'inclinaison, au moment où il se relève du rukou, là, il n'y a pas de takbir à ce moment-là. Mais il dit « Sami Allah liman hamida ». Et après, il dit « Rabbana wa lakal hamd » à la place du takbir. Qui à ce moment-là, c'est un moment où on loue Allah Azza wa Jal. Ce moment-là, c'est un moment de tahmid, comme on dit. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'à la place du takbir, il fait le tahmid. Non. Et également, tambih, lorsqu'on fait ce jeu de tilawa, lorsqu'on est en salat par exemple et qu'on lit un verset dans lequel il y a la prosternation, il y a un khilaf, et nos mâchers ici disent que tu n'as pas fait le takbir quand tu te prosternes pour ce jeu de prosternation. Et car cela peut emmener justement à perturber le ma'moun, celui qui est derrière toi qui fait la salat, il peut croire que tu vas t'incliner. Donc il va s'incliner alors que toi tu es en prosternation. Donc si tu prosternes directement, et lui va suivre, biznillah ta'ala. Et c'est une mas'ala où il y a un khilaf. Mais ici au Yémen, c'est comme ça qu'il voit. Non. Yaqul fawaid al-hadith. Enseignement utile du hadith. أولا مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. Donc maintenant, le côté légiféré du takbir, lorsqu'on rentre dans la salat, et c'est un pilier de la salat. La salat ne peut être valide qu'en commençant par ce takbir, qu'on appelle takbirat al-ihram. Thaniyan, mashru'iyat al-takbir inda ruku' wa sujud wa raf, minhu wa al-qiyam min al-tashahud al-awwal. Et qu'il est justement, kadhalik, côté légiféré du takbir au moment où on s'incline, et au moment où on se prosterne, et au moment où on se relève de la prosternation, et au moment où on se relève après le premier tashahud. On a fait le premier tashahud, d'accord, on se relève, à ce moment-là, on fait le takbir. Thalithan, mashru'iyati qawl sami'allahu liman hamida hina raf min ruku' ila li ma'moum. Qu'il est le côté légiféré de dire sami'allahu liman hamida, qu'Allah répond à celui qui le loue, au moment où on se relève du ruku'. Et ça, c'est l'imam qui le dit à voix haute, pas le ma'moum, sauf s'il fait la salat tout seul. Mais s'il est derrière un imam, lui n'a pas à le dire. Rabi'an, mashru'iyati qawl rabbana wa lakal hamd ba'd al-qiyam min ar-ruku' ila lil ma'mun fa yaquluha hina araf minhu badalan an sami'a Allahu liman hamida. Et donc il dit le côté légiféré de dire rabbana wa lakal hamd après s'être relevé de l'inclinaison. Hormis pour celui qui précède en salat, lui il le dit au moment où il se relève de l'inclinaison, à la place de Samir Allah liman hamida. Car en fait, Rabbana wa lakal hamd, l'imam le dit quand? Après qu'il a dit Samir Allah liman hamida. Alors que le ma'moun, lui, le dit après que l'imam ait dit Samir Allah liman hamida. Si vous avez compris. Quand l'imam se relève de l'inclinaison, il dit Samir Allah liman hamida. Et après, il dit Rabbana wa lakal hamd. Et ceux qui sont derrière lui, lorsqu'ils se relèvent du recours, ils disent Rabbana wa lakal hamd après que l'imam ait dit Samia Allah liman hamida. Wa kada. Na'am. Wa hadha alladhi akhadna al-yawm bi hadha al-hadith wa alhamdu lillahi rabbil alamin.